j'avoue j'en pleure. T'as oublié quelques affaires, reviens, ça a pris trop d'ampleur. Trop d'ampleur. We'll be right back. Bien le bonsoir tout le monde, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. Fat Boy Slim à l'instant. Praise You. À suivre Ed Sheeran, son nouveau single, Bad Habit. Bonne soirée à vous. Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Surge FM. Ludo in the mix.

À 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Ludo in the mix. We'll be right back. oi, oi. É pra quebrar arco duro, vamos dançar arco duro. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja morena ou loira, vem balançar arco duro. Oi, oi, oi. Bonsoir à vous, c'est Ludo dans la radio. Le mix de Ludo, tous les vendredis et le samedi soir, sur JFM. Le mix de Ludo. Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM. You something pretty stupid, baby. Been having problems with my boyfriend, I'm just saying. And I'll be down to try as long as you are paying. Paying. À 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo.

de Ludo. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. I'm Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Higher, higher, higher. de Ludo. Ludo in the mix. Vous Ludo qui vous emmène encore pour un peu moins d'une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure pardon. Voici Luck and Show, Shake Your Body. Bonne soirée à vous Ludo, le vendredi et le samedi soir sur JF. Everybody shake your body, we don't deal, we chill at a party, keep the groove that says you're a three-dimensional, unquestionable.

big up cutie me. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce up. Yeah! Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Ludo in the mix. Have a good time. Me want you on your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood. Girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you sweat tonight, girl. Me gonna make you wet tonight, girl. Me gonna make you feel alright. I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through the night. Oh, oh, you want this party. Say what? Girl, one test you. Don't stand a chance, no. Girl, you look better than them, yes. You dress nicer than them, yes. Gonna dance from night till morning. We love all the DJ playing. Oh, what a lovely feeling. So close to me, heart beating. Hold me tight, girl, hold me tight. What? Run me waist, girl, run me waist, girl. What? Take me back, girl, take me back. Oh, wipe me off, let's go. Try me off. Le mix de Ludo. Yeah. Ludo in the Mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sentier FM. C'est une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mix de Ludo, vendredi et samedi soir. In the Mix, Ludo in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM.